Itzatruk, émission créée par Anchieta Irratia et le Centre social d'Enensat et financée par la Crèche, Commission régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Frédéric. Bonjour Michael. Ça va bien? Oui. Et bonjour aussi et runon à tous ceux qui nous écoutent ici à Anchieta Irratia. C'est Itzatruk aujourd'hui de 14h à 15h comme tous les derniers jeudis du mois. Et on commence l'émission, si tu veux, Fred, en présentant les thèmes dont on va parler aujourd'hui. Oui, ça serait pour l'anniversaire de Lika Chola. Mm-hmm. Pour la journée de la femme, on a fait un petit reportage. Voilà, le 8 mars passé. Quoi encore, on aura? Tu avais fait une interview aussi. Oui, c'était pour la rencontre des jeunes artistes endaillés, qui aura une soirée le 7 avril. Et j'ai fait une interview d'une responsable et d'une élève qui a participé à l'organisation. Voilà, et je crois qu'il y a encore d'autres choses. Il y a aussi des petits sons qu'on a tirés dans le carnaval, qui est déjà passé, mais on s'en rappellera, disons. Oui, c'était pour l'enterrement de la sardine. Voilà, l'enterrement de la sardine. Et je sais pas, je pense qu'on aura aussi l'agenda culturel du mois d'avril. Oui. Voilà. Et voilà, ben, plein de choses aujourd'hui, une fois encore, ici à Itzatruk. Et avant de commencer avec les thèmes dont on parlait, si tu veux, on va rappeler à ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est Itzatruk. Itzatruk, c'est une émission par rapport au LRA, du Centre social d'Andaï avec la radio Anchieta. Voilà. Il y a plusieurs intervenants. Même si aujourd'hui on n'est pas nombreux ici à la radio, peut-être que Fabrice y va arriver, on ne sait pas. Oui. Parfois j'aimerais. Et à part la radio, il y a d'autres choses aussi. Il y a des ateliers de radio. Oui, les ateliers de radio. La dernière fois, on a préparé l'émission. Voilà, donc ces ateliers normalement c'est les vendredis, si pas tous les vendredis, mais presque tous. Normalement c'est le matin. Donc, ouais. Et s'il y en a qui sont intéressés, il faut dire que c'est des ateliers de radio qui sont totalement ouverts à toute personne qui veuille participer. Et pour savoir les dates précises des ateliers, bah, il suffit d'aller sur notre blog itsatruc.wordpress.com. Ou autrement, les OLRA, c'est deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Et vous aurez plus de renseignements par rapport à la Christine Pastor qui est responsable du OLRA. Mon amour, je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Et si tu veux, on va présenter le premier thème qu'on va aborder, c'est par rapport au 8 mars, oui. Le jour de la femme. Peut-être que tu peux expliquer un petit peu l'exercice qu'on avait fait dans ces ateliers de radio dont on parle. Mais on avait par rapport... Est-ce que tu t'en rappelles ? Oui. Par rapport, on avait regardé par la définition du féminisme, voilà. Et on avait discuté sur ça et... Voilà, donc c'est deux textes, hein. c'est la définition du féminisme de Wikipédia, et l'autre c'est une association féministe qui parlait des activités qu'elles allaient réaliser. Donc on a lu ces deux textes, puis on a fait un petit débat, donc c'est le résultat, c'est ce que vous allez entendre de suite. Le féminisme est un ensemble d'idées politiques, philosophiques et sociales, cherchant à promouvoir les droits des femmes et leurs intérêts dans la société civile. Il s'incarne dans des organisations dont les objectifs sont d'abolir les inégalités sociales, politiques, juridiques, économiques et culturelles dont les femmes sont victimes. Si le terme féminisme ne prend son sens actuel qu'à la fin du XIXe siècle, les idées de libération de la femme prennent leurs racines dans le siècle des Lumières et se réclament de mouvements plus anciens ou de combats menés dans d'autres contextes historiques. L'objectif principal de la première vague du féminisme est de réformer les institutions, de sorte que les hommes et les femmes deviennent égaux devant la loi. Droit à l'éducation, droit au travail, droit à la maîtrise de leurs biens et droit de vote des femmes constituent les revendications principales de cette période. Si le terme féministe ne prend pas son sens actuel, produit une grande diversité dans l'analyse sociologique et philosophique. La deuxième vague féministe qui intervient à la fin des années 1960 avec la naissance du mouvement de libération de la femme et du Woman Lib a ainsi élaboré plusieurs concepts qui entendent rendre compte de la spécificité du rapport de domination exercé par les femmes. Donc sur les femmes. Période qui est reformulée, le concept du patriarcat est élaboré sur celui du sexisme et que l'accent est mis sur le domaine privé comme lieu privilégié de la domination masculine. Le personnel et politique, les revendications touchant au compte de leur corps par les avortements, contraceptifs sont placées au premier plan, mais plus largement c'est à la construction de nouveaux rapports sociaux de sexe qu'appellent les féministes de cette deuxième vague. Dans cette perspective, la notion du genre entend dénaturaliser les rapports sexes. D'où le nom du troisième vague féministe. On désigne à partir des années 1990 un large ensemble de revendications exprimées par les militantes féministes issues de groupes minoritaires. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapée des sales boulons, Lily. Elle crée confort dans les chauffeurs, dans la rue, ses fleurs de couleur, la compagne au marteau piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. mars tous les événements, toutes les infos. L'idée d'une journée pour les droits des femmes est née en 1910 lors de la deuxième conférence de l'Internationale socialiste des femmes, sur proposition de Clara Zetkin. Dès 1911, des manifestations sont organisées dans plusieurs pays. En mars 1911, 1 million de femmes manifestent en Europe. En 1977, les Nations Unies officialisent cette journée. Depuis son origine, le 8 mars a vocation à célébrer les batailles féministes et à remettre au cœur du débat l'importance de mener un combat permanent pour l'égalité femmes-hommes. Se mobilise le 8 mars, ce n'est pas pour fêter la femme, si vous la trouvez, faites un signe, mais pour souligner qu'au 21e siècle, l'égalité n'est toujours pas une réalité. 27% des différences de salaire, 80% des tâches ménagères, 18,5% des députés, 10% des places en crèche. L'égalité pour nous, c'est toute l'année. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru se revoir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting avec Fils, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily. Il lui dit bien ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent notre feu. Et c'est pour conduire sa peur, Lily, qu'elle aime aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu, d'autobus interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. Moi je pense que, bon, on a avancé sur le féminisme par rapport à nos grands-mères, à nos mères. Mais que bon, faut rester vigilant. Et moi, j'ai que des filles. Alors, c'est vrai que, bon, c'est des trucs qu'on parle et puis qu'on essaye de mettre en application aussi tous les jours, quoi. Donc, c'est pas que des mots. Mais moi, je vois, par exemple, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants. Et que c'est plutôt rare que ce soit dans l'autre sens, quoi, que ce soit le mari qui lâche son boulot pour s'occuper de ses mômes et permettre à la femme de faire une carrière, même si ça arrive, bon, on va dire une fois sur 100 ou sur 1000, quoi. Est-ce que tu connais cette musique, Fred ? Non, mais je pense que je vais l'écouter. Parce que par rapport au livre, ils ont fait deux chansons, donc je l'ai commandé. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle de l'Ikastola de Hendaye, Gure Ikastola, oui, qui fête son 40e anniversaire. Voilà. Et ça, c'est une des deux chansons qu'ils ont composées pour cette fête. Pour l'anniversaire. Et il faut dire aussi qu'on a choisi de mettre cette musique parce que s'il n'y a pas de problème, on parlera d'ici quelques minutes avec Peyo Rissa, qui est le directeur de l'Ikastola, pour qu'il nous raconte un peu tout ce qui a à voir avec cette fête, cet anniversaire. Idazten ikasteko igeltsuz egina. Haundi txikien gelan ara zenbakiak, txokolate tableten puska ebakiak, estaltzen badizkizu bibegizapiak, ea zenbatzatik idituen zazpiak. Gure ikastola da trenbide burdina, kontatzen ikasteko ole zolpegina. Haundien gelan berriz hitzaren jolasa, harreman bide sakon delako solasa. Gorde ez da ikasi hitzaren arnasa, ikasi da nik hartu eta zuri pasa. Gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina. Ikastola da hortzen erne mina, mintzatzen ikasteko hotsa hitz egina. Gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsuz egina. Gure ikastola da trenbide burdina, kontatzen ikasteko olez ol egina. Gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina. Gure ikastola da gure herri mina. Donc on disait que nous allions parler avec Peyo Rissa, nous l'avons déjà de l'autre côté du téléphone. Kaixo Peyo. Je Peyo. Oui, bonjour. On est today in Gaito Suez. Oui. D'accord, donc on disait que vous fêtez le 40e anniversaire de Gure Ikastola de Hendaï. Et voyons, mais peut-être il faudrait un petit peu parler de cette trajectoire, ces 40 ans. Quelle valoration vous faites? Mais nous, on fait le 40e anniversaire, pour nous, c'est l'occasion de faire un peu le lien avec le passé, bon, le maintenant le présent, et puis aussi le futur. Le passé, on a fait, les parents actuels ont fait un grand travail sur de la mémoire, sur la mémoire des 40 ans, hein, c'est-à-dire quand est-ce que les castres avaient commencé, dans quels endroits avait été les castellans, par les lieux par où étaient passés les différents parents et les différents enseignants. Et après, bon, on a eu beaucoup de travail pour retrouver les photos d'avant. Et donc, on a une histoire, donc on a fait un travail assez important sur toute l'histoire des 40 ans. Et puis après, bon, c'est un travail qui a été fait par les parents actuels. Donc un travail d'équipe. Moi je tiens à souligner que les parents ont fait un travail très très important, un travail d'équipe, dans la bonne humeur en plus. Et ça c'est très intéressant pour la dynamique de l'école. Et après, bon, les 40 ans c'est aussi l'occasion de regarder un petit peu le futur pour nous, c'est-à-dire l'école actuelle ici à Rubigarena, à l'Ikastola, donc on peut pas agrandir. On a agrandi pendant pas mal de fois. Et actuellement, on ne peut plus agrandir, donc on a des élèves qui sont troisième cycle, par exemple, qui sont à l'ancienne école de BOI, et parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus assez de place ici à la Rubigarena, et on ne peut plus agrandir, donc il n'y a pas assez de place. Donc pour le futur proche, pour dès maintenant, on voudrait une nouvelle Ikastola pour nous pensons que d'ici 10 ans, dans cette nouvelle Ikastola, il y aurait de nouveau 250 enfants. Donc voilà. 40 ans, c'est aussi pour nous donc l'occasion de relier le passé, le présent et le futur. Donc tu as parlé qu'il y avait des photos par rapport aux élèves, mais il y a une exposition, non, qui se passe. Voilà, il y aura donc bon, on a fait deux livrets. Un livret, bon, avec les sponsors, tout ça, bon, un petit peu pour remercier les sponsors. Et après, on a fait un livret aussi, un livret plastifié, très très joli, avec le CD par les enfants, fait par les enfants, enregistré par les enfants de l'Ikastola, et puis le CD aussi à la chanson d'Alayak, de la version d'Alayak, et un film sur les enfants de l'Ikastola, les personnes d'Alayak, et puis les enfants actuels de l'Ikastola. Et c'est donc une de ces chansons dont nous parlait Peyo Rissa qu'on écoute de suite. chanson donc qui a été faite par le groupe Alayak pour le 40e anniversaire de Gure Ikastola à Hendaye. Et on vous rappelle que ce week-end, c'est la grande fête de Gure Ikastola. Donc vendredi soir, il y aura des concerts avec les groupes Armatiro Punk, La Réplique et Ekintza. Tout ça dans le fronton Gaztelusar à partir de 9h. Samedi, portes ouvertes de 10h à 1h. Des animations pendant toute l'après-midi et des concerts encore pendant la nuit à partir de 9h. C'est Chatec, Lut de Putas et ta Roots System. Et dimanche 3 avril, il y a d'abord le repas à partir de 14h et des animations pendant toute l'après-midi donc pour fêter ce 40e anniversaire de Gure Ikastola. Et de suite, et pendant qu'on écoute cette chanson de Alayak, et on vous laisse avec une interview réalisée par Fred autour des activités qu'organise la mairie pour la jeunesse. Itzatruk, émission créée par Ancheta Iratia et le Centre social d'Enensat et financée par la CRECH, Commission régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour, je suis à la radio Ancheta Iratia. C'était pour par rapport au blog et sa truc. Et nous allons interviewer une jeune organisatrice par rapport à le concours de logo qui a eu à Mehdi Solane par rapport à la 8e rencontre des jeunes artistes qui aura lieu le 7 avril. Nous allons l'écouter par rapport à pourquoi elle a voulu participer à ce concours. En fait, on nous l'a imposé au collège et du coup c'est devenu une note pour la prof d'art plastique. Et voilà. Oui, ça n'a pas été parce que c'était le sujet, c'était par rapport à la journée des jeunes. Un logo. Et ça n'a pas été trop dur par rapport aux contraintes. Si, parce que il y a eu des différentes. Enfin, au début c'était un peu vite fait. Enfin, on nous a expliqué vite fait ce qu'il fallait faire. Et à la fin, on nous a dit que c'était pas du tout ça, qu'il fallait tout recommencer. Et à la fin, de mettre tout ce qu'il fallait dedans, c'était un peu compliqué. Là, je vois que par rapport, vous avez eu des contraintes. C'était par rapport aux lettres et par rapport aux. Vous avez aussi inclure dans le dessin, la musique, la danse et le théâtre. Il y a eu beaucoup de participants à ce concours dans votre classe. On était tous obligés de le faire dans les classes imposées. 138 participants. Ouais. 138 participants parce que vous faites partie du collège Saint-Vincent. Et il y a d'autres aussi. Il y a d'autres collèges qui ont participé à ce concours de logo. Oui, Irandats. Ce concours logo, ça fait la première fois que ça existe, mais l'année dernière, il y avait d'autres concours avec d'autres choses différentes à faire. Est-ce que vous avez participé? Non. Ce concours sera. Se servira pour la journée du jeune artiste. Dans plusieurs années, quoi, ça sera plusieurs ans. Et la rencontre se passe où exactement? Aux variétés, au cinéma. C'est ouvert à tout le monde. Oui. L'entrée est payante, mais c'est pas trop cher. Donc si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. C'est 1 euro et ça va servir aussi par rapport. La collecte servira pour une association, mais on n'est pas encore. On n'a pas choisi encore la bénéficiaire. Tu vas aussi participer à cette journée? Oui, pour l'organisation. Pour l'organisation. Et votre classe a préféré quoi par rapport au thème? Parce que c'était la différence. Richesse du monde, ça n'était pas trop dur non plus par rapport au thème? Si, un peu, parce que c'était dur à comprendre et à trouver une mise en scène. Donc c'était par rapport à toute différence, que ce soit homme-femme, que ce soit dans plusieurs cultures, et vous avez choisi quoi, vous, par rapport à ça? Des participants de votre classe? Ils pouvaient choisir, il y avait plusieurs thèmes, qu'est-ce qu'ils ont voulu choisir, qu'est-ce qu'ils ont préféré? Surtout la danse, et certains du slam, mais pas beaucoup. Il y avait d'autres thèmes aussi, il me semble, non? Oui, le théâtre, le rap, le cirque, la vidéo, la musique et le chant. Voilà, donc il y a plusieurs propositions par rapport à d'autres écoles aussi. Là, par rapport au concours de logo, il a été mis à Mendisolane, mais il y avait aussi des personnes qui pouvaient participer, mais en tant que jury. Est-ce qu'il y a eu du monde qui sont venus? Oui, il y a eu environ 130 personnes qui sont passées voter, mais on n'a pas encore les résultats. Et c'était par rapport à l'âge De 6 à 70 ans. Donc c'était, y en avait beaucoup de moi qui étaient intéressés par rapport à ce logo. Je suis à la mairie pour au service animation enfance jeunesse. C'était pour les résultats du logo, concours de logo qui a eu à Mendisolane. Je suis avec Véronique Laurent, qui est coordinatrice du contrat éducation temps libre de la mairie. Bonjour Véronique. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en train de regarder par rapport aux gagnants du concours. Oui. Nous avons reçu les résultats. Oui, nous avons eu les résultats. Et donc le logo gagnant est le dessin de Antion Mendilousset, qui est en 3e B au Collège Irandats et qui a récolté beaucoup de points. Il en a récolté 526. Donc c'est le gagnant haut la main. Il a été fait, il a eu beaucoup d'avance quoi par rapport aux autres. Oui, il a eu beaucoup d'avance. Le deuxième dessin qui arrive, c'est celui de Carla Rodrigo, qui est en 4e B à Saint-Vincent. Et elle a eu quand même 300 points. Donc c'est déjà pas mal aussi. Mais enfin, c'est moins qu'évidemment 500. Ensuite, en 3e position, il y a Andrea Viamonte de 3e B au Collège Irandats, qui a eu 166 points, je regarde sur mon petit tableau. Et le quatrième dessin a eu 116 points. Et c'est le dessin de 1, 2, 3, 4, Bouchra Zahir, qui est en 4e A au Collège Saint-Vincent. Ensuite, le cinquième dessin, c'est celui de Aitana Redondo en 4e B à Saint-Vincent. Et elle a eu... Ah, tu as des... Elle a eu 104 points. Voilà, elle est proche du dessin qui est juste avant. Voilà, voilà. Il y a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui ont eu leur dessin, qui ont récolté des points du jury, puisqu'il y a eu 104 dessins qui ont récolté des points. Et là, on a en tête donc ces 5 dessins qui vont les auteurs des dessins vont récolter des prix. Et par rapport au prix, c'est quoi le premier prix par rapport? c'est des prix qui ont un rapport avec les arts plastiques. C'est du matériel d'art plastique, de la peinture, des pinceaux, des crayons d'esquisse, des craies pastel. Et le premier, en plus, il a une boîte pour mettre tout ce matériel dedans. Et ensuite, surtout ce qu'il va avoir le premier prix, c'est que son logo va être utilisé dans la correspondance qui correspond à cette action-là, la rencontre des jeunes artistes d'Andaï. Ça sera une affiche ou un logo? Alors, ça sera un logo qui sera récolté, qui sera utilisé sur les petits courriers qu'on va faire passer. Il sera utilisé aussi pour l'affiche de l'annonce de la rencontre qui aura lieu le 7 avril. Et aussi, on va l'utiliser pour faire des badges. Et ces badges, chaque organisateur et chaque artiste présent le jour de la rencontre aura son badge. Mais également, tous ceux qui ont participé au concours de logo, ils auront un badge avec le dessin du gagnant. Les 5 premiers auront aussi un badge de leur propre logo. Et là aussi, je voudrais que tu me puisses me parler de l'examination, parce que là, tu fais une C'était une action, mais c'est toute l'année et oui. Il y a plusieurs services. Il y a un seul service. Oui, il y a un seul service, mais il y a plusieurs actions dans l'année. Tu pourrais m'en parler quelques-unes? Alors, par exemple, les actions du contrat éducation temps libre, ce sont des actions organisées par la municipalité pour lesquelles nous recevons des subventions. Ces subventions, elles entrent à cause de contrats qui sont passés entre la municipalité et la CAF, par exemple. Là, c'est le contrat enfant-jeunesse. Et il y a un autre contrat qui s'appelle le contrat éducatif local. Ce contrat, il est passé avec la direction départementale de la cohésion sociale. Et ce contrat, nous, ici à Hendaye, on relie ces deux contrats pour parler de CETL. Donc, dans les actions qui reçoivent des subventions dans le cadre du CETL, il y en a plusieurs. Donc, il y a cette action-là qui est la rencontre des jeunes artistes d'Hendaye. Il y a, par exemple, la sécurité de roue et la journée sécurité routière, qui sont des actions de prévention routière qu'on mène avec des NENSAT pour la population. Ensuite, il y a par exemple Cool Loisirs. Alors ça, c'est avec les jeunes qui s'occupent du service, dans le même service. Tout ça, c'est le même service, le service animation enfant-jeunesse. Michente et Anne-Laure s'occupent des jeunes et ils ont un des moyens mis à leur disposition qui s'appelle Cool Loisirs. Mais en fait, cette année, c'est une page Facebook. Voilà, l'année dernière aussi d'ailleurs. Voilà, donc pour cette action-là, on reçoit aussi des subventions. On reçoit aussi des subventions pour l'accueil à dos plage, pour les centres de loisirs municipaux et le centre de loisirs Oudalekou. On reçoit aussi des subventions dans le cadre du CETL pour les accueils périscolaires, matin, midi, soir. On a aussi des subventions qui arrivent par le biais du CETL pour le ticket sport. Donc Jean-François du service des sports travaille aussi avec moi là-dessus. Donc, les tickets sport, si vous savez ce que c'est le fait d'ouvrir gratuitement aux enfants d'Hendaye, d'ouvrir gratuitement des activités sportives pour qu'ils les découvrent, voilà, pendant les petites vacances scolaires, sauf à Noël. Dans les autres actions qui entrent dans le CETL, il y a les activités en langue basque. Donc, ce sont des activités de loisirs qui sont pratiquées en basque. Et qui sont ouvertes aux enfants qui apprennent le basque. Parce qu'on met ces activités en place pour ajouter, si on veut, pour permettre aux enfants qui étudient le basque à l'école de le pratiquer dans une activité de loisir. Voilà. Des actions bilingues. Voilà, c'est des actions en basque carrément. Ouais, en basque carrément. Et d'ailleurs, cette année, pour cette action en particulier, en plus des subventions de la CAF et de la DDJS, on a obtenu de la part de l'Office public de la langue basque une subvention aussi. On a aussi une autre action qui s'appelle le Fonds documentaire animation. C'est donc d'avoir un fonds documentaire qu'on achète avec les subventions qu'on reçoit, qui est disponible pour tous les animateurs d'Hendaye, que ce soit les animateurs municipaux ou des associations. Et dans le même esprit, on a aussi du matériel pédagogique dans l'action mal pédagogique. Alors, encore une autre action, la dernière, là, le forum des associations, c'est aussi une action pour laquelle on reçoit des subventions dans le cadre du CETL. Et donc là, c'est Gérard Poveda du PIGE avec sa collègue Marilyn qui organise concrètement le forum des associations. Mon travail à moi, c'est plutôt de récolter les informations, de suivre, d'évaluer et de faire les dossiers pour obtenir les subventions. Grâce à toutes ces subventions, la plupart des activités, d'ailleurs quasiment toutes, sont gratuites, sauf les activités en langue basque, qui sont pour un prix très modique, puisque pour toute l'année, on peut faire une activité entre 20 et 32 euros à l'année. Je te remercie beaucoup, Véronique, de nous avoir reçus dans notre bureau, malgré tout le travail que tu fais dans toute l'année. C'était It's a Truc. Thank you. voilà cette interview qu'a réalisé Fred sur les jeunes artistes, sur ces activités organisées par la mairie pour les jeunes de Hendaye. Malheureusement, nous avons quelques petits problèmes techniques et cela va nous empêcher d'avoir notre agenda culturel habituel pour le mois d'avril. On doit donc vous laisser ici, même s'il nous reste encore un peu de temps, on vous laisse avec de la musique, mais vous savez que vous nous retrouvez le dernier jeudi du mois de 14h à 15h ici à Anceta Iratia Itzatruk. Merci et à la prochaine. Thank you. Itzatruk, émission créée par Ancheta Iratia et le Centre social d'Enensat et financée par la crèche. Commission régionale de l'économie sociale et solidaire.